À tous. Un bon après-midi. Je vais commencer. Je vais commencer par une question. C'est une bonne chose. C'est original ou. C'est, non? C'est bien. C'est le premier qui pense à ça. Trouver laquelle? Pas dit, je savais. Mais commencer encore avec ma grand-mère, elle avait une interprétation du karma. Elle parlait du pain blanc et du pain brun. C'est-à-dire, le monde vit leur pain blanc, puis nécessairement, il y a un moment donné, ils vont vivre leur pain brun, ou ben non, vice-versa. Mais. As-tu fait des conférences? Ah, elle m'en a fait. Dans le sac des belles fermières. Et puis, c'est parce que ça me fait penser, parce que je me pose la question, est-ce que. La question, c'est en rapport avec le karma, mais pas nécessairement avec le karma, c'est que un individu va vivre des événements, positifs, on va regarder ça comme ça, positifs et négatifs, qui vont interpréter de cette façon-là. Mais est-ce que c'est nécessaire de vivre, est-ce que chaque individu qui vit sa planète va vivre, si on prend un diagramme, par exemple, là, sur une échelle de 100 ans, on fait de 1 à 10, est-ce que, par exemple, on va vivre en moyenne une ligne qui est la même? Puis à des années différentes, mais ça va être en haut ou en bas. Ou bien non, s'il y en a vraiment qui vivent toujours quelque chose d'intéressant, puis il y en a qui vivent des affaires plus plates toute leur vie. Bon, en moyenne, l'humanité vit à peu près 50-50. Il y a effectivement des individus qui vont vivre beaucoup plus bas, puis il y en a d'autres qui vont vivre beaucoup plus haut. Maintenant, c'est toujours une question de tolérance à la souffrance. Il y a des personnes qui vivent extrêmement bien et qui sont dans un contexte de vie extrêmement mauvais. Alors, si on regarde plusieurs personnages, par exemple, qui ont survécu à la Deuxième Guerre, pour eux, c'était très bien, ça allait bien, c'était pas si mal. Bon, on leur a crevé seulement un œil, bon, il leur en restait un. Et puis, on a tué seulement la moitié des membres de sa famille, finalement, c'était bien. Il y en a d'autres, ben, eux autres, ils ont perdu simplement un pneu après leur automobile pendant la Deuxième Guerre, puis ils se sont suicidés. Alors, ce qui fait que c'est pas déterminé nécessairement par l'événementiel, c'est déterminé beaucoup plus par l'humain. La majorité des humains vont faire 50-50, c'est-à-dire que quand ça va mal, ils se sentent bien, puis des fois, de temps en temps, quand ça va bien, ils sont chialeux quand même, ça va mal. Alors, ils vont normalement équilibrer à 50-50, parce que les égaux sont normalement constitués d'à peu près 50% de phénomènes qui se nourrissent de malheur et de mécaniques réincarnationnelles qui se nourrissent de bonheur. C'est à peu près 50-50. Dans ton cas, c'est... J'ai pas fait de calcul. Bon, ça veut dire qu'il y en a qui vont vivre à des octaves beaucoup plus élevées et plus bas. Mais le même individu, la manière que je peux interpréter ça, c'est qu'il y en a qui vont vivre très haut, une émotion très forte positivement, puis l'autre très forte négativement, la même personne. Ça peut être dans la même situation. Bon, on a par exemple deux personnes qui gagnent à la loterie. Ils gagnent pas nécessairement le même montant, ou ils gagnent le même montant. On va dire qu'ils gagnent le même montant. Mm-hmm. Les deux personnes sont heureuses, mais il y en a une des deux qui connaît l'autre, puis qui est convaincue que l'autre méritait pas ça, puis que l'autre n'aurait pas dû gagner. Fait qu'il y en a une, celle qui n'aurait pas dû gagner, apparemment, est extrêmement heureuse. Puis celle, l'autre qui vient de gagner, ben va immédiatement altérer son bonheur pour commencer à détester l'autre qui a gagné, alors que l'autre n'aurait peut-être pas dû gagner. Fait qu'il y en a, les deux ont gagné le même montant, c'est le même événement. Il y en a une des deux qui est extrêmement heureuse, l'autre qui est plus ou moins malheureuse, heureuse. C'est le même événement. Puis quand on parle de devenir le seul maître contrôleur à bord, c'est au départ éliminer ce phénomène-là, qui est le syndrome de l'électron. Le moment qu'il se passe quelque chose autour d'un être humain, il est automatiquement manipulé par l'événement, puis c'est plus lui qui contrôle. On doit s'arranger pour parvenir à implanter dans la conscience mentale de l'humain une mécanique qui va faire en sorte qu'il ne sera plus manipulable de cette façon-là, de façon à ce que l'humain soit dans son énergie. Être heureux, c'est être centré sur soi-même. Et pas au niveau de son ego, mais dans son intelligence. Alors, quand l'humain parvient à être centré suffisamment dans son mental, quand l'humain finit par parvenir à être suffisamment centré dans son intelligence, l'humain ne vit plus ce genre de malheur illusoire. Nécessairement, il ne vit pas non plus ce genre de bonheur illusoire. Alors, quand l'humain arrive à ce niveau-là, il procède un peu plus des mécaniques de l'ère nouvelle, et l'humain va vivre de 80 à 100% de sa vie dans des contextes qui sont bénéfiques, qui sont positifs et qui sont ascensionnels. Parce qu'il est arrivé à un niveau de... Pas d'aller barbite, oui, c'est ça. Aller barbite dans la conscience ou finalement qu'il l'a décidé ou qui. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que l'individu, là, dans son évolution, dans sa conscientisation, arrive un moment où ben, là, c'est lui qui est maître de sa vie, qui décide des événements qui vont y arriver ou bien non, ça continue toujours ça? Non, non. Excepté que c'est moins. on n'a pas besoin de décider des événements qui vont nous arriver. À l'instant, ça c'est une chose que l'humain ne comprend pas, puis l'humain ne comprendra pas avant déjà avant un grand bout de temps. Il y a une partie de ce que je vais dire qui a déjà été dite, qui n'a jamais été comprise, qui a été apprise, plus ou moins. Et si on demande aux personnes d'en parler, c'est tellement pas compris convenablement que c'est même tellement pas appris convenablement qu'ils ont de la difficulté à en parler. L'être humain n'a pas de libre arbitre. L'être humain agit, même ceux qui savent qu'ils n'ont pas de libre arbitre continuent à agir comme s'ils avaient un libre arbitre. Mm-hmm. Pour la simple raison que ces personnes n'ont pas développé suffisamment la scission entre leur être absolu et l'être illusoire qui les constitue, qui les supporte. Il y a des personnalités, il y a des personnes. L'être humain, présentement, n'est pas capable encore de faire la différenciation entre ce qu'il est réellement dans l'absolu, donc ce qu'il est en tant que personne, et ce qu'il est dans l'illusion, dans le mensonge ou dans la vérité, c'est-à-dire ce qu'il est en tant que personnalité. Étant donné que chaque être humain est constitué d'un ego, et que l'ego est la personnalité de l'humain, l'ego n'est pas la personne énergétique, ce n'est pas la personne absolue, ben, l'ego continue continuellement à essayer de vivre une vie dans laquelle il va être capable de se retrouver. S'il veut se retrouver, cela implique nécessairement qu'il continue à conserver l'illusion du libre-arbitre. Un être humain qui veut se retrouver est un être humain qui est dans l'illusion. Un être humain qui veut se connaître est un être humain qui est dans l'illusion. Un être humain qui veut connaître la mécanique qu'il assujettit ou à l'astral est un être humain qui est en transition. Mais l'être humain qui veut se connaître lui-même est dans une illusion totale, dans un mensonge cosmique. L'humain agit et continue à agir non seulement dans l'expérience de sa vie, c'est-à-dire dans l'application concrète de ce qu'il appelle sa vie. L'humain continue à agir comme s'il avait un libre-arbitre. Et en plus, l'humain continue à agir intérieurement comme s'il avait un libre-arbitre. La personne va nécessairement conscientiser de temps en temps qu'elle est vivante, qu'elle est capable d'observer des mécaniques qui sont évolutives chez elle. Et la personne qui conscientise cela, normalement, va vouloir agir. Et encore une fois, c'est une partie de l'ego qui voudra agir pour essayer de contrôler l'autre partie de l'ego. Et l'humain va encore continuer à agir intérieurement comme s'il avait un libre-arbitre. La majorité des personnes ont compris à la longue que le libre-arbitre n'existait pas. Il n'existait pas dans la mécanique applicable. C'est-à-dire que les personnes qui ont compris que le libre-arbitre n'existait pas vont souvent parler qu'ils sont manipulés. Sauf que la personne qui parle qu'elle est manipulée est une personne qui essaie de manipuler le système manipulateur, mais à partir de son ego. Et entre autres, les personnes vont continuer à prétendre au libre-arbitre, c'est-à-dire que les personnes, même si elles ont apparemment compris un peu, qu'il n'y a pas de libre-arbitre matériellement, et ça, ils le comprennent surtout quand ils observent les autres, encore, quand ils ne travaillent pas ou ne vivent pas avec les autres, intérieurement, les personnes continuent à vivre sous le joug du libre-arbitre. Alors, on va traiter les autres d'imbéciles, mais non pas d'une façon communicatrice d'énergie, on le traite d'une façon de défoulement astral, on le traite dans le but de manipuler l'autre ou de réveiller l'autre, ou on le traite dans le but de se monter, ou on le traite d'imbécile dans le but simplement de confirmer inconsciemment l'idée du libre-arbitre. Si c'est un imbécile, s'il ne devrait pas faire ça, s'il devrait comprendre, c'est qu'il y a un libre-arbitre de sa planète. S'il n'y a pas de libre-arbitre de sa planète, on n'a rien à dire à l'autre. On peut évidemment manipuler l'autre pour qu'il finisse par être changé. Sauf que la majorité des communications inter-individus est une manipulation, une communication qui inclut l'idée ferme qu'il y a un libre-arbitre. Chaque personne qui se conscientise continue à vivre en fonction de l'idée d'un libre-arbitre, de libre-arbitre psychologique, de libre-arbitre émotif, de libre-arbitre astral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus continuent, hélas, à affirmer que ce sont eux qui sont en colère, que ce sont eux qui sont écœurés d'eux, que ce sont eux qui désirent, que ce sont eux qui veulent ceci, que ce sont eux qui ont fait le bon choix, que ce sont eux qui ont fait le mauvais choix, que ce sont eux qui auraient dû écouter leur première intuition. Alors, les personnes continuent à vivre, malgré tout, avec la cristallisation psychologique et émotive qu'ils ont un libre-arbitre. Personne sur la planète qui a un libre-arbitre, et il y aura une liberté dans la conscience, il y aura à un moment donné une association entre la liberté de conscience et le plan d'évolution, c'est-à-dire entre l'être humain qui se dirige vers l'absolu, entre l'être humain réel, l'être nouveau, et la mécanique ascensionnelle. Il y aura à un moment donné une alliance qui va s'établir entre les deux, et on va donner à l'homme, la femme et l'enfant ce qui est nécessaire qu'il ait au fur et à mesure de son ascension et de sa désinhibition. Cela veut dire que l'être humain qui conscientise dans sa conscience que lorsque l'intelligence est exprimée, nécessairement il devra se rapprocher de la richesse, nécessairement il devra se rapprocher de la santé, de l'avoir du temps, de l'avoir de matière, donc de l'avoir de liberté. Lorsque l'humain qui exprime réellement de la conscience et qui la rayonne, lorsque l'humain va se rapprocher de l'être nouveau, ben nécessairement, il y a une alliance qui va s'établir entre les plans d'ascension et l'humain qui est en ascension. De ce fait, l'humain qui conscientise qu'il devrait avoir telle chose ou qu'il ne devrait plus vivre certaines mécaniques, automatiquement, la vie, les mécaniques d'ascension vont lui donner ce qu'il a besoin. Maintenant, parce que l'humain n'aura pas d'ego, l'humain ne pensera pas que c'est lui qui a contrôlé et assujetti le temps, la matière, la santé et les psychologies extérieures. L'humain saura simplement que ça fait partie de l'évidence. Exactement comme si on pourrait spirituellement, pour que l'ego comprenne, dire « Si tu sers convenablement tes parents, ben, à un moment donné, tes parents vont aussi te servir convenablement. » Bon, si tu as des parents qui ont de l'allure. Si on parle d'intelligence, les parents sont donc intelligents, nécessairement, plus l'être humain va devenir un être à servir, plus l'être humain se fera servir. Alors, ce n'est pas l'humain qui va dire, bon, eh bien, je décide que je veux gagner la loterie demain matin. L'humain n'aura pas plus de libre arbitre. Sauf qu'à un moment donné, l'humain va trouver un billet, l'humain va acheter un billet, l'humain va recevoir un héritage non karmique, l'humain va placer à la bourse de l'argent, il va gagner, l'humain va trouver une façon de monnayer son intelligence, et il aura l'argent. Sauf que lorsqu'il aura l'argent, il sera absolument pas, il n'aura pas besoin de se raisonner. Il sera absolument conscient du fait que lui, là-dedans, n'a rien fait pour ça. Que c'est évident, que c'est écologique, que c'est esthétique, que c'est aristocrate, que ça va de soi, qu'il ait l'argent. Mais pas parce que lui a manipulé des mécaniques. Pas parce que lui a eu la puissance ou le pouvoir de contrôler des mécaniques. Parce que présentement, l'humain vit intimement relié, associé, fusionné, collé à l'idée du libre-arbitre, l'humain ne peut pas parvenir à se désassujettir du malheur, à se désassujettir de toutes les trames et de toutes les lois qui régissent l'évolution descendante, on peut dire donc l'évolution de l'homme ancien. Présentement, l'humain reste continuellement attaché à l'idée du libre-arbitre. C'est une mécanique de l'ego. L'ego ne veut pas, on pourrait dire spirituellement, que l'ego ne veut pas que Dieu vienne le voir. Non, l'ego veut marcher pour aller voir Dieu. L'ego fonctionne, on l'a déjà vu dans le séminaire, l'ego fonctionne à partir de l'initiation lunaire qui est méritoire. L'ego se dit, si j'attends que Dieu vienne à moi, ben, je ne mériterai probablement pas de rentrer dans le royaume. Alors, je vais tout faire pour y aller. Et en plus, les contradictions internes de l'ego vont faire en sorte que je veux absolument rejoindre Dieu qui est la perfection. Je pourrais bien attendre qu'il vienne me voir. Mais si la perfection m'oublie, si elle ne me trouve pas, si la perfection est imparfaite, mieux vaut que je m'en occupe. Alors les personnes prient, les personnes ont les barbites, les personnes prient, les personnes évoluent, les personnes se conscientisent, les personnes s'instruisent, les personnes s'informent, les personnes se forment, pour essayer de rejoindre, on va dire, Dieu, au cas. Mais si cette perfection-là va t'oublier, elle n'est pas parfaite, alors cesse de courir après. C'est logique. Mais ce n'est pas astral. Alors, vu que ce n'est pas astral, l'ego va continuer à rechercher même des lubies. Bon, l'ego va continuer à croire des choses qui lui plaisent. L'ego va continuer à croire des choses qui le nourrissent astralement. Et l'ego va continuer à se faire manipuler et à s'associer à des manipulateurs qui nourrissent les dieux astralement. Parce que c'est une attente dans le vide, là, ça, c'est que... Tu espères continuellement, depuis des millions d'années, des choses qui ne sont jamais arrivées. Au lieu de t'associer à des choses qui sont neuves, peut-être qu'elles n'arriveront pas, mais une chose certaine, c'est celles auxquelles l'humain est associé ne sont jamais arrivées, ils n'arriveront pas non plus. Toutes les prophéties divines, toutes les promesses de Dieu ont toujours été des promesses qui disaient que dans pas grand temps. Après 30 000 ans, et il faut considérer que dans pas grand temps, pour les consciences de l'époque, 30 000 ans, c'était l'éternité, ça n'existait même pas. Donc, c'était dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 20 ans. C'est sûr que les mécaniques divines se sont ajustées, ils ont fini par dire, comme les grands politiciens, « ça sera quand vous serez mort ». Dans l'autre vie. Bon, alors les divinités réincarnationnelles, disons, accréditant la réincarnation, vont dire dans une vie future. Puis là-dessus, on vous accole le karma, le libre-arbitre, et on vous fait dire, oui, c'est dans une vie future. Mais voilà, 300 ans, tu sais, t'as éternué dans le mauvais Kleenex. C'est pas notre faute. Fait que c'est pour ça que c'est dans cette vie-ci, tu payes encore. Tu sais, il faudrait que tu comprennes. Puis à un moment donné, dans cette vie-ci, bien, tu fais une chose qui est très bonne, puis ça vire en catastrophe. Et puis là, on te dit, ben écoute, tu sais, t'en as encore pour 2 autres vies à manger des problèmes. Et puis, c'est ça. Puis l'humain continue à croire à cette divinité-là. L'humain continue à croire à toute cette mécanique-là. L'humain continue à croire parce que l'humain est convaincu qu'il a un libre-arbitre. On lui donne le choix. Tu fais le bien ou tu fais le mal. Si tu fais le bien, On va essayer de ne pas t'oublier. Puis si tu fais le mal, sois sûr qu'on va te rentrer dedans. On ne t'oubliera pas. Ah non. Et là, l'humain, on lui dit, tu as le libre arbitre. Ah, comme on dit à nos enfants, tu as le libre arbitre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manger du gâteau sans ma permission. On va te couper les doigts. Puis tu peux ne pas en manger. Puis ça va être correct. Tu as le choix. Choisis. Et l'humain, malgré cette évidence de non-libre arbitre, l'enfant va dire, mes parents me donnent le choix, c'est bien. Moi, ma mère, elle me donnait toujours le choix pour manger. Veux-tu du pâté chinois ou si tu veux du spaghetti? Alors moi, je disais du pâté chinois. Puis elle me disait, mais il n'y en a pas de pâté chinois, tu ne peux pas prendre du spaghetti comme tout le monde. Puis je disais, ben Christy, offre-moi pas l'un ou l'autre. Ben oui, mais si tu serais raisonnable aussi, tu prendrais du pâté chinois spaghetti comme tout le monde. Puis on ne s'est jamais compris là-dessus. Elle avait le besoin, comme les dieux, elle avait le besoin d'offrir un choix pour être une bonne mère. En espérant que moi, choisir le plat qui existe. Que je ne prendrais pas celui qui n'a pas fait. Puis moi, évidemment, bon, en bon enfant, je prenais toujours les plats qu'il n'y avait pas. Fait que on s'engueulait régulièrement. Les dieux font un peu la même chose. Et est-ce que tu as les barbites ou pas? Ma mère, elle voulait me faire croire que j'avais le choix. Mais c'est vrai. Si j'aurais dit spaghetti, ah OK, on donne les spaghetti. Tu j'aurais dit, c'est correct, j'ai le choix. Plusieurs plats, tout ça, t'sais. Ma mère, elle a fait un menu comme dans les restaurants. Puis elle jette tout, tu comprends pas. Qu'elle nous donne, ça, elle s'est mis au bout. Ma mère, c'est ce qu'elle aurait voulu que les enfants pensent. Puis tous les enfants, t'as les bons enfants, sauf moi. Moi, je faisais toujours ce qu'il n'y avait pas. Puis quand je lui disais, ben écoute, dis-moi ce qu'il y a. Puis elle m'engueulait parce que, ah, tu ne pourras jamais faire de choix plus tard. Puis, en tout cas, on n'a jamais. Les dieux fonctionnent de la même façon. On a l'humain continue à croire qu'il a le choix, alors qu'à travers le temps, à travers les vies, puis à travers cette vie, l'humain a continuellement la preuve qu'il n'a pas le choix. Dans ce que tu dis, est-ce que dans la conscience, les prises de conscience, finalement, font partie du non-libre-arbitre? T'as pas le choix, comme moi, si je fais une prise de conscience, j'ai pas le choix de faire cette prise de conscience-là. Ben, la question, c'est est-ce que tu as décidé, bon, tiens, là, on va faire une prise de conscience, là, clic, ça y est, fait. T'as pas décidé ça, donc c'est évident que t'as pas le choix. Mais les choses que l'ego voudrait avoir sont reliées au conditionnel des prises de conscience. Oui, l'ego doit... Premièrement, l'ego, ce qu'il va faire, c'est que l'ego est protégé par un ajusteur psychologique qui est l'intellect. Chaque fois qu'il y a une prise de conscience dans le plan mental, l'intellect va ajuster la prise de conscience pour nourrir l'ego. Alors, l'ego va nécessairement maintenant ajuster ses désirs, ajuster ses espoirs, ajuster ses foi, ses attentes en fonction des prises de conscience. Mais l'ego ne fait pas de prise de conscience. L'ego est informé par le mental. Ce que l'humain doit faire, c'est que l'humain doit travailler immédiatement à la conscientisation réelle de l'être humain absolu, par rapport à l'être humain illusoire. C'est-à-dire que l'humain doit travailler la conscientisation et l'application dans sa vie de la différence qui existe entre l'intelligence et la mémoire de l'intelligence, entre l'homme, la femme, l'enfant absolu et la mémoire de l'homme, la femme, l'enfant absolu, entre ces choses-là. Ça veut dire que l'humain doit devenir un être qui sera nécessairement continuellement doux, qui sera nécessairement continuellement aristocrate dans tout ce qu'il va exprimer. Ça veut dire que l'humain doit se désassujettir des mécaniques du passé et que l'humain doit se désassujettir de l'illusion qu'il a un libre-arbitre. Et si l'humain se désassujettit de l'illusion du libre-arbitre, automatiquement, il y a une alliance qui va s'installer entre les forces qui vont travailler à l'ascension d'une partie de l'humanité, entre les forces qui vont travailler à préserver l'intégrité de cette partie d'humanité évoluante, disons conscientisante et ascensionnelle, et automatiquement l'humain va commencer à vivre les bénéfices de la conscientisation. Tant que l'être humain se conscientise en continuant à nourrir et à servir l'illusion du libre-arbitre, l'humain perd l'alliance de l'ère ancienne et l'humain n'est pas capable d'alliance avec l'ère nouvelle, ce qui fait que l'humain, tant que l'humain continue à servir l'illusion du libre-arbitre, l'humain reste un être transitif et restant un être transitif, il restera un être pogné, pris entre deux mécaniques et ces deux mécaniques-là auront tendance à s'éloigner l'une d'elles progressivement et la personne sera de plus en plus, aura l'impression de plus en plus de se ramasser dans un vide, dans un gouffre, où elle est abandonnée et où effectivement elle sera abandonnée. Là, l'individu doit implicitement commencer à travailler pour parvenir à vivre une dissociation psychologique entre sa vision de libre-arbitre et la compréhension de ce que c'est que l'accomplissement en fonction d'un plan préétabli, qui est le plan de l'ascension. L'humain doit totalement cesser immédiatement d'autoriser chez elle la l'acceptation comme étant un choix de sa part ou comme étant une évidence réactionnelle convenable de la part de sa psychologie, le fait, par exemple, de s'ennuyer, de chialer, de crier, d'être impatient, d'être inquiète, d'avoir peur, même juste le fait de ne pas comprendre fait partie de l'illusion du libre-arbitre. La personne qui se plaint qu'elle ne comprend pas, la personne qui se plaint qu'elle est perdue, la personne qui se plaint qu'elle ne comprend plus, ça fait partie de l'illusion du libre-arbitre. On te manipule. J'ai déjà expliqué que la conscientisation n'était pas une question de compréhension. La conscientisation est une question d'énergie. Vous avez la tête complètement vide. À part ça, comment ça va? Ah ben ça va bien. Ah bon? Puis là, la personne, elle est malheureuse parce qu'elle a la tête vide. Et justement, la personne, elle est très bien. Elle est près de l'état de l'être nouveau. Il lui manque évidemment des informations. On vient de couper des contacts, on va en établir d'autres. La personne, elle doit simplement continuer à être elle. Les personnes ne savent pas si elles sont quelqu'un, si elles ont la tête vide. Quand la pensée commence à s'estomper lentement, la personne a l'impression qu'elle n'est plus rien. Puis là, elle se dit, ouais, mais là, la tête vide comme ça, je suis le jouet de... Mais oui, mais tu n'as jamais eu de libre-arbitre. Maintenant, c'est une conscientisation claire que tu es le jouet de... Jusqu'à temps que toi, le joueur, tu es l'intelligence, tu commences à descendre dans le corps. Puis que tu commences à t'associer dans l'alliance à des mécaniques qui sont... réactionnelles et qui régissent totalement, complètement et implacablement l'évolution ascensionnelle des mondes froids comme le nôtre. Cela veut dire que l'humain qui, à un moment donné, se conscientise, n'arrivera pas sur le plan planétaire en disant aux archanges, « Bon, OK, c'est correct, je suis là. Alors, retournez à vos couches. J'ai plus besoin. Je vais tout diriger maintenant. Là, j'ai le libre-arbitre maintenant que j'ai la conscientisation. » Il y a un deuxième qui se conscientise, qui vient dire la même chose. Puis, à un moment donné, entre eux, il y aura des problèmes. La mécanique ascensionnelle, elle est totalement sous la régie de mécaniques archangéliques, qui sont des mécaniques similaires aux mécaniques angéliques, beaucoup plus évoluées que la conscience astrale de l'humain, et qui ont comme fonction de diriger les troupeaux, donc de diriger les masses, en fonction de la descente progressive, lente, filtrée, de l'intelligence supramentale, à travers des prédigesteurs qui seront les êtres élitiques, qui seront la race nouvelle, qui, eux, vont recevoir de l'énergie directement dans leur conscience. Ils seront capables, parce qu'ils seront humainement supramentalisés, parce qu'ils seront capables de contact direct avec l'amour instantané et l'intelligence instantanée, ils seront capables d'ajuster le contact de la conscience supramentale, le contact de la conscience bouddhique, avec, en fonction de la psychologie des masses. Et là, progressivement, les archanges vont devenir les serviteurs de l'élite, donc de la race nouvelle. Sauf que l'humain ne peut pas arriver et décider que du jour au lendemain, il va changer les plans, les trames, la trame cosmique qui a été implantée par le système archangélique. L'homme, la femme ou l'enfant nouveau n'aura pas plus de libre-arbitre dans le contexte planétaire. Mais les archanges vont commencer à laisser, au lieu de laisser, par exemple, le temps dans des gardiens de temps, l'argent dans des gardiens de monnaie, la santé dans des gardiens de santé, qui sont souvent les jeunes, lentement, la mécanique archangélique va commencer à redistribuer les valeurs planétaires directement aux individus qui ont présentement, ou qui auront, et évidemment dans ce temps-là, le terme n'existe pas. C'est un mélange de fiabilité et d'honneur, mais ce n'est pas un phénomène de mérite. Lorsque les archanges seront en contact avec ces personnages-là, les gardiens cesseront le rôle de gardien, seront libérés de cette mécanique-là, ce qui leur permettra une évolution plus rapide, et les individus qui font partie de la race nouvelle seront totalement baignés, imprégnés de temps, de santé, d'argent, de liberté matérielle, mais ils n'auront pas de libre-arbitre en ce qui concerne la gestion évolutionnaire, ascensionnelle ou évolutive des êtres humains, des consciences psychologiques implantées dans l'astral comme dans des corps physiques sur le plan planétaire. L'humain doit comprendre que le libre-arbitre, il ne l'aura pas ici, ce n'est pas nécessaire. Présentement, chaque personne qui se conscientise continue à se vautrer, à servir le maître, libre-arbitre, dans leur conscience astrale, dans leur conscience matérielle, dans leur conscience de sommeil, dans leur conscience de pédagogue, dans leur conscience de pédagogiser. Les personnes continuent à conscientiser, à nourrir, à servir l'idée du libre-arbitre. Et on doit absolument, pour parvenir à une évolution plus facile, se libérer, se dégager de la centricité vers l'idée du libre-arbitre. Mon ego va te faire une confidence, là, c'est que... Du point de vue de l'ego, c'est ce qui vient, c'est... Je dois me rendre... pas l'évidence, quasiment. Je dois me rendre les mains... les mains dans le dos. Les mains détachées, les mains libres. C'est que là, c'est les mains qui servent à rien. pas les mains attachées. Mais si je dois me rendre à la, on va dire, à l'intelligence ou à la conscience pour que mon corps soit possédé. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à quand tu vas chez Giorgio. Quand tu rentres dans le restaurant, es-tu en beau maudit? Parce que le maudit cuisinier, l'imbécile, le salaud, l'irrespectueux a cuisiné ce baguette à ta place. Tu rentres dans le restaurant à les mains attachées. Tu peux même pas toucher aux épices. Tu peux même pas toucher aux pâtes. Tu peux rien toucher. Alors, c'est écœurant. Tout le monde devrait pouvoir aller dans un restaurant, rentrer dans la cuisine, tasser le cuisinier, puis commencer à se papoter sa petite popote. Là, on serait heureux. Là, ce serait merveilleux. Même un gars comme toi qui ne sait pas cuisiner, là, il serait heureux. Là, après ça, il pourrait venir amener son assiette, il pourrait se dire, « Ça, c'est moi qui l'ai fait. » Puis il commence à le manger, puis c'est pas aussi bon qu'il aurait voulu, mais c'est bon. C'est lui qui l'a fait. Tout serait parfait. Puis là, toi, pas évidemment, toi, tu es comme tous les égaux. Pendant que tu serais en train de cuisiner, tu regarderais ce que ta femme cuisine. Puis là, tu lui dirais, écoute, il faut pas mettre autant de sel. Puis il faut pas mettre autant d'épices. Faut que tu mettes les, faut que tu fasses que les pâtes al dente, tu sais, pas trop. Puis il faut que, puis la chicane dans la cuisine à travers tout le paquet de monde est bien évolué qui vont dans la cuisine. Alors que tout ce que le cuisinier t'offre, ce qu'il te suggère, c'est viens t'écraser sur la siège, là, le siège confortable. On va t'amener un petit carton. T'sais, on peut même le tenir pour toi, dépendamment de la classe du restaurant, tu vas te pointer. Et puis on va te dire, ben écoute, qu'est-ce que tu veux? Puis là, tu vas dire, ben j'aimerais avoir ça. Puis là, ils partent. Puis tu restes assis comme une nouille à attendre. T'sais? Là, on t'amène un verre d'eau pour nourrir un petit peu ton ego. Là, tu as un petit peu de pain. T'sais? Chaud ou pas chaud, dépendamment des places. Le beurre est gelé, pas utilisable. Le beurre est utilisable. C'est pas les restaurants. Et puis, t'es là, tata. Puis après ça, là, on t'amène une assiette. On t'amène les bébelles, puis etc. Puis t'as qu'à manger. C'est écœurant. Hein? Il faudrait qu'on remodèle tous les restaurants. Imaginez, vous allez chez McDonald's. Puis là, on fait la file, il y a une cinquantaine de personnes dans le restaurant, elles sont toutes dans la cuisine en arrière. Ben oui! Parce que c'est ça le bonheur. Et franchement, il faudrait écrire un livre là-dessus. Hein, la restauration de la restauration. Hein? C'est très bien. C'est un bon titre. Oui, c'est ce que ton ego exige de la vie. C'est ce que ton ego exige de l'ère nouvelle. C'est comme de pouvoir cuisiner. Mon ego a peur de se faire avoir. Ben oui. Dans le sens... Comme dans tous les restaurants. Non, mais dans le sens, on identifie un type d'extraterrestres qui, eux, ont pour objectif, entre autres, de posséder des humains, prendre le corps des humains. Dans la conscience, le parallèle est quasiment exactement pareil. Ben, t'as qu'à choisir l'extraterrestre. Tu l'inventeras pas, t'as pas de l'ébarbite. Quand il va se pointer... Je sais que je suis pris. Ça, c'est l'ego, là. Oui, mais, je vais t'expliquer une chose. Il n'y a rien de supérieur à l'être nouveau dans un contexte planétaire. Rien. Ça devrait tout répondre. Il n'y a rien de supérieur à l'être nouveau. Tu n'as pas besoin de ton foutu libarbite, il n'y a rien de supérieur à l'être nouveau. Quand tu vas être désassujetti de l'illusion du libarbite, du désir de vouloir contrôler les choses, du désir de vouloir mettre la main à la pâte, automatiquement, ce sera le meilleur cuisinier qui va être capable de vivre à tes côtés. Ouais, mais d'un coup que t'es un imbécile, là, puis qu'il cuisine, il pourra pas. Il ne pourra pas. Au minimum, il va devenir un bon cuisinier, le moindrement qu'il va commencer à cuisiner pour toi. Il ne pourra pas, il n'y a rien de supérieur à l'être nouveau dans un contexte planétaire. Moi, je suis d'accord que... Non, t'es pas d'accord. Ah oui, je suis d'accord que tout ce qui mais va... Toi, oui, mais pas toi. Tout ce qui va se passer là va être parfait, va être en harmonie avec ce qui va être entré dans la conscience. Ce qui va être la conscience. Tu vas continuer à vivre pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est que l'ego sera plus là. Tu vas continuer à vivre comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que l'ego s'imagine. L'ego sera plus là, mais l'ego s'imagine qu'il va être là. Ouais. Là, il va aller au restaurant. Là, il va y amener son spaghetti. Là, il va dire, ouais, mais en bout, t'es meilleur cuisinier. Moi, il n'y a rien qui me dit qu'il n'y a pas de poison là-dedans. Parce qu'il vient de passer 4-5 ans là où c'était dangereux. Il y a des espions partout pour essayer de tuer le monde. Puis 20 ans après, comme ceux qui reviennent du Vietnam, là, je n'ai connu un, ben, il couchait avec son fusil en tout son lit pendant plusieurs années, même si c'est au Québec. On fusille dans le garde-robe, puis à un moment donné, tu oublies même que tu as un garde-robe, puis le fusil, c'est plus ce qui est pire. C'est correct. Et il faut que l'ego s'habitue. L'ego a extrêmement peur de se ramasser dans une région L'ego va être bienvenu là-dedans pendant un laps de temps. L'ego va servir de véhicule. L'ego, c'est lui qui va devenir le double éthérique. Mais l'humain doit totalement cesser de continuer. De toute façon, une chose certaine. Il cesse de vivre avec l'idée du libre arbitre. Ça ne te mène à rien. Ça ne te mène à rien. Et autant essayer d'autres choses. Tu as le choix. Oui ou non, tu sais? Ah, c'est comme t'as le choix de partir ou t'en aller. Eh oui. C'est parce que là, ce que je vois présent, ce que je vis, c'est l'ego là, qui a vraiment peur. C'est comme chez nous, là, où l'impression que la maison m'appartient. Et puis là, les réels propriétaires de la maison ou t'as les faux... T'as pas l'impression que la maison t'appartient. T'es certain qu'elle t'appartient? Même pas. C'est quoi? Tu veux qu'elle t'appartienne. C'est ça que tu nourris. Tout le monde nourrit la même chose. Mm-hmm. Et parce que la personne nourrit l'idée qu'elle veut que la maison lui appartienne, elle est certaine que la maison lui appartienne, parce qu'elle veut tellement que ça appartienne qu'elle ne veut même pas mettre de doute là-dedans. Alors, elle va camoufler son vouloir que la maison lui appartienne, alors que finalement, c'est pas vrai, avec l'idée de certitude. Alors, moi, j'ai du libre-arbitre. Non, non, non. Parce que tu veux avoir du libre-arbitre. Alors, je suis sûr que j'en ai. Tu n'es pas sûr que tu en as. Ça, c'est une illusion que tu camoufles. En réalité, tu veux être sûr que tu en as. Tu veux en avoir. N'importe qui est propriétaire de sa maison, si le feu passe là-dedans, le feu est le maître bien avant toi. S'il y a un tremblement de terre, des glaces qui viennent voir chez vous, si le frigidaire, s'il n'y en manque pas dedans, comme ça arrive souvent dans la Beauce. Je suis propriétaire de ce qui vient de passer tout du pot là-bas. Là. C'est à moi. Quand est-ce que lui-même est propriétaire de quelque chose? Dans l'impression seulement, dans l'illusion. Oui, à Mirabel, les gens sont propriétaires de leur terre. Le gouvernement leur a dit, écoutez, vous êtes propriétaire, mais il n'y a plus maintenant. Dans d'autres pays comme au Guatemala, les gens sont propriétaires de leur terre depuis 5, 6, 7, 15, 20 générations. Le gouvernement est un petit peu moins évolué que le nôtre. Il va les voir puis leur dit, écoutez, je peux-tu voir le papier qui prouve que c'est à vous autres? Ben, les ingénieurs n'ont pas. Fait qu'on a un sac de là, c'est tous des maudits voleurs. En plus, on les met en prison. Ils ont volé ça depuis 3, 4, 20 générations. Fait qu'on leur casse la gueule, on les met en prison. Quand est-ce que l'humain est propriétaire de quelque chose? Faut que je réponde jamais. Tu réponds où tu veux. J'ai pas le choix. Le libre-arbitre est une illusion, puis vous devez finir, hein, commencer, vous finir par comprendre que c'est une illusion. On doit l'appliquer. Ça facilite tellement les choses. Ça ressemble à... Rends-toi le premier et tu vas être le plus confortable. Non, parce qu'il y a en masse de place. Le restaurant peut contenir 3000 personnes, puis il y a 3000 personnes dans le village. Même si tu rends le premier. Ben, pas le premier. Rends-toi, ça va être plus facile. Cesse de niaiser. Ça va être plus facile. Puis niaiser, c'est continuer à ne pas te servir de ce que tu connais. Niaiser, c'est comme ce qu'on fait faire aux jeunes à l'école. On leur explique qu'il existe des calculatrices, puis on continue à les forcer à calculer avec un crayon. Ils sont niaisés. La société ne peut pas évoluer. Tout ce qu'ils savent, ça ne sert à rien. Pas pour l'instant. Illégal. Ça fait mal à l'ego. Fait que vous continuez à écrire avec des crayons. Vous écrivez, puis on corrige les fautes d'orthographe. On ne veut pas que vous appreniez à communiquer par l'écriture. Non, non, non. On veut que vous écriviez les mots pour que ça ne frise pas nos égos. C'est tout. Que tu ne saches jamais écrire une lettre après, ou écrire un livre après, ou écrire un poème après, ça s'en balance. Mais ce qu'on veut, c'est que quand tu vas écrire « Je t'écœurerai d'école », qu'il n'y ait pas de faute dedans. Ça, c'est important. Ça, c'est bon. Tu sais, on niaise. Il faut cesser de niaiser. L'humain qui évolue, c'est la même chose. Il faut que ça cesse de niaiser. L'humain, il sait tout. Il regarde les autres puis il dit « As-tu vu les caves là-bas, comment il est manipulé? » Ben, serre-toi en don, ce que tu sais là, tu sais. Puis as-tu vu ci, as-tu vu ça, puis etc. L'humain, niaise. Il y a une question inévitable, là. T'es un grand niaiseux. Même à ça, malgré ça. Connais-tu la différence entre niaiser puis s'amuser? Oui. Peut-être que je l'explique. Non, tu peux répondre oui, c'était la question. La majorité des personnes ne voient pas la différence entre niaiser et s'amuser. Il y a plusieurs qui pensent que s'amuser, c'est niaiser. Il y a plusieurs qui niaisent puis disent qu'ils s'amusent. Il y a plusieurs qui s'amusent puis qui arrivent à arrêter de s'amuser parce qu'ils pensent qu'ils niaisent. Niaiser, ça avance pas. Niaiser, c'est du niaisage. S'amuser, c'est plaisant, c'est avançant, c'est ascensionnel, c'est correct. Il y a plusieurs personnes qui sont toujours en train de faire comme s'ils s'amusaient puis niaisent tout le temps. Tournant en rond, c'est niaiser. Ils se niaisent eux-mêmes. Ils niaisent les autres. Mais souvent, ils se niaisent eux-mêmes. On doit absolument apprendre à se dissocier de l'illusion du départ-bit. parce que, bon, c'est ça, la question inévitable, c'est que on peut même pas devoir apprendre à se dissocier. On est manipulé à le faire. Bon, ben, veux-tu que je t'instruise à te dissocier de l'illusion de les barbettes? Oui. Ça va coûter cher. L'ego, c'est la... Du point de vue de l'ego, c'est... Non, c'est la vie, ça va y coûter. Oui, mais c'est ça. Ce que tu as à faire pour parvenir à te dégager de l'illusion du libre-arbitre, je peux te l'expliquer avec énormément d'énergie, ça va planter assez raide l'ego. Alors qu'on peut aussi le faire facilement. Il faut que les personnes vivent 24 heures sur 24 dans un système d'évolution. Est-ce qu'il y a un film particulier que tu aimes bien, un film... Donne-moi des films que tu as aimés. Bon, je vais te les nommer. Moi. Vas-y, me dire si je les ai aimés. OK. Bon, on parle du film, on parle de l'atmosphère du film. Si on regarde, par exemple, la mécanique, on prend, prenons l'exemple, Patrouille du cosmos. C'est plaisant ou c'est extrêmement con? C'est intéressant, c'est le fun. Pourquoi c'est le fun? Parce que les individus se sont réunis dans une association intergalactique, ils ont un vaisseau intéressant, et à l'intérieur du vaisseau, il y a un soviétique, il y a un noir, il y a un écossais, il y a un américain, évidemment, il y a un montréalais, bon, il y a un chinois, etc. Il n'y a pas de raciste. En plus, les personnes sont à peu près pas crouseuses, ils se chicanent jamais, ils se chicanent en s'amusant, mais ils ne s'insultent jamais, ils ne s'engueulent jamais. Tu vois, en plus, ouais, bon. Alors, l'idée, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça plaît à plusieurs personnes. Je peux t'en nommer des films du même genre. La guerre des étoiles, elle a eu un succès énorme. Pourquoi? Parce qu'encore là, on a l'aristocratie, on a la paix, on a le pouvoir ou la puissance, mais une puissance qui est un pouvoir qui est contrôlé. On a encore là des guerres qui semblent plus propres du point de vue de la relation humaine. C'est sûr qu'on place ça dans un contexte reconnaissable par l'humain, donc c'est un contexte d'aventure. Mais c'est l'esthétisme de la vie qui plaît. Si on regarde Patrouille du Cosmos 4 au niveau des films, leur voyage vers la Terre, où ils se ramassent en 1986, on se constate que, en temps de paix à Los Angeles, c'est plus violent, plus bruyant, plus pourri, plus pollué de toutes les façons qu'en temps de guerre, à l'époque d'où ils partent. Qu'est-ce qui plaît aux humains, c'est cette vision-là de l'avenir. Bon, c'est ce qui fait que les humains accrochent. Après, les humains vont dire, ah oui, ben c'est à cause de la technologie, etc. Mm-hmm. Si on regarde Retour vers le futur, par exemple, le deuxième film, où ils se ramassent dans l'avenir, et cet avenir-là, ben les gens vont trouver intéressant la technologie. Mais ça l'a jamais accroché autant du point de vue émotif. Pourquoi? Parce que là-dedans, t'as des bombes, t'as de la violence, t'as les mêmes maudits humains. Puis ça n'a pas pris autant. Puis si on regarde Alien, l'étranger, mais si on regarde à un moment donné, c'est la même chose. Le numéro 2, par exemple, il y a une troupe des forces d'élite de l'armée qui va vers une planète. Puis il y a une femme là-dedans qui est macho par-dessus la tête. Puis c'est des engueulades avec des insultes sans arrêt. Le film n'a pas pogné autant. Pourtant, c'est de l'avenir. Tu regardes Mon ennemi, Enemy Mine, ça l'accrochait beaucoup plus, mais il manque encore des éléments. Alors, les films disons, qui se passent dans l'avenir, qui plaisent à l'humain, c'est les films où les humains ne s'engueulent plus, ne s'insultent plus, ils sont capables de se parler. Regarde l'esthétique du cadre. Qu'est-ce que l'homme, la femme ou l'enfant a à faire pour se désassujettir de libre-arbitre? Ben, c'est vivre comme eux autres. Pas dans la matière, comme eux autres. La matière, elle va venir. C'est de cesser d'être l'électron totalement manipulé par la moindre petite perturbation électromagnétique autour. C'est d'être un être qui sera ce qu'on parle de chevalerie planétaire, on parle de guerrier, une personne capable d'aventure, capable d'avancer. On parle d'aristocratie planétaire, on parle d'individu capable d'exprimer une chose, une mécanique qui est conscientisée d'une façon subtile chez l'humain. L'humain est au courant. L'humain le recherche. C'est ce que l'humain veut. Quand l'humain se dit on va se faire une communauté, une nouvelle commune, quand l'humain dit on va faire une société nouvelle, est-ce qu'on dit une société nouvelle ou est-ce qu'il va y avoir plein de robots? L'idée de base d'une société nouvelle, d'une commune ou de n'importe quoi, c'est un cadre où les êtres humains placés là-dedans ne s'engueuleront plus. On aimerait que les parents ne s'engueulent pas avec les enfants et vice-versa. On aimerait que le père et la mère ne s'engueulent pas sans arrêt. On aimerait que les frères et les sœurs ne s'engueulent pas sans arrêt. On aimerait que les jeunes ne s'engueulent pas entre eux autres. On aimerait que les adultes ne s'engueulent pas entre eux autres. C'est ça que l'humain recherche. L'humain recherche un cadre où on va lui amener le spaghetti tout cuit. C'est ça que l'humain se dirige vers ça, c'est ça que l'humain veut avoir. Je connais des personnes, moi, qui s'achètent des automobiles qui fonctionnent mal. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça faire de la mécanique. Ah oui, eux autres, ils l'entretiennent. Elle fonctionne bien. Ah non, ça c'est du moteur, mon ami. Ça fonctionne en maudit, écoute-moi ça. Ça fonctionne, ça. Tu comprends, non? Ah, faut le minoucher un peu. Tu sais, mais ça fonctionne bien en maudit. Tous les semaines, il change les bougies, il ajuste les pointes, il tripote après, tu sais, mais ça fonctionne. Ah, ça, c'est du moteur, ça, monsieur. Un instant. Puis il y en a d'autres qui ont des autos que le moteur, ils l'ont jamais vu. Ils ne savent même pas si c'est un 8, un 6, un 2, ils ne savent rien. Ils ne savent même pas comment on ouvre le capot. Comment on veut vivre? Sous le capot? Ou derrière le volant? Puis c'est ça. Ben, l'ego, il dit, ouais, mais tu sais, je sais pas comment il fait le moteur, moi, là, si je peux jamais l'ouvrir, puis je sais pas, puis ça sert à quoi de tout savoir, ça? La majorité d'entre vous, vous ne pouvez plus vous faire avoir. Et vous continuez à avancer avec une peur extrême de vous faire avoir. On dit de se faire fourrer en québécois. Alors, les gens continuent à ne pas avancer. Puis là, c'est subtil. Ben là, c'est subtil que partir ou s'en aller. Les gens continuent, hein, les gens avancent à ne pas avancer. C'est partir ou s'en aller. De l'astral, on doit partir. On ne doit pas s'en aller. Ça, lui-même ne comprend pas ça. Mais c'est comme partir ou s'en aller, c'est vrai. Celui qui s'en va est en ciboire. Tu sais, bon, on te met dehors, on te claire, tu t'en vas. Bon, celui qui part, c'est autre chose. Il est conscient, il est contrôleur. Partir ou s'en aller, c'est bien différent. L'humain doit partir, quitter le monde astral. Alors que la majorité, ils veulent échapper. S'en aller. C'est différent. Quand tu pars en voyage, tu vas quelque part. Quand tu t'en vas de chez vous, c'est autre chose. Alors, il y a une nuance entre partir et s'en aller. L'humain essaie de fuir des contextes, puis la fuite fait partie de l'illusion du libre arbitre. Tu sais, je vais réussir, je vais, etc. C'est à l'intérieur que l'humain doit changer. Et quand je parle à l'intérieur que l'humain doit changer, je reviens encore sur une chose, c'est que l'homme, la femme ou l'enfant sera le maître contrôleur de sa vie intérieure lorsqu'il aura appris à faire fleurir ce qui est à l'intérieur de lui. Alors que traditionnellement, du point de vue dans l'illusion du libre-arbitre, ça sera toujours de vouloir contrôler et assujettir la cochonnerie chez toi. Et j'explique depuis le début que ce que l'humain doit faire, c'est valoriser les particularités qui sont correctes. Vous avez la capacité de créer, créer. Ça va prendre tellement de place qu'à un moment donné, ce qui est anticréatif va finir par s'en aller. Bon, toutes les personnes ont suffisamment d'esthétisme chez elles, de beauté, c'est-à-dire d'énergie pure, c'est la beauté, pour que si elles cultivent le rayonnement ou l'expression de leur beauté, progressivement, la laideur, l'énergie colorée va finir par s'en aller. La personne, elle se dit, ouais, mais je trouve des mauvaises idées, moi, là. Cesse donc de t'attacher à tes mauvaises idées. Parle donc de bonnes idées. Bon, et là, on en revient à un terme utopisé. Oui, l'humain doit utopiser. L'humain doit développer sa capacité d'utopisation. C'est-à-dire d'engendrer dans sa conscience astrale, dans la structure astrale, de la beauté, de l'esthétisme. Descendre la croyance dans la matière astrale. Et non pas conserver la croyance comme un halo énergétique qui nourrit l'astral. Ça nourrit l'astral, puis ça stimule l'astral parce que c'est laid. Alors tu prends l'utopisation, c'est la terrestrification de mécanique réincarnationnelle, ça va de soi, et c'est la terrestre, c'est la, on pourrait dire l'astralisation corporelle, ce n'est pas une cellularisation, mais physique, on va dire c'est une cellularisation astrale, d'essence même qui vont finir par faire en sorte que l'humain va être totalement dans son ego, être la résultante d'une réincarnation d'esthétisme. L'utopisation, c'est le positivisme de l'homme nouveau. Ouais. D'accord. L'utopisation, c'est le positivisme de l'homme nouveau tel que vu par un homme ancien. Ben, c'est pas du positivisme. Mais l'homme ancien ne peut pas comprendre autrement. Il va dire que c'est le positivisme de l'homme nouveau. OK, oui. Tel que vu par l'homme ancien. L'utopisation, regarde. Manger une pomme, c'est le positivisme de celui qui peut manger. Ce serait à peu près la même chose. Parce que l'utopisation, c'est l'alimentation en énergie esthétique, en énergie pure, donc belle, du corps astral. Mais c'est pas un positivisme, c'est pas une énergisation, c'est une énergification concrète. Oui, mais c'est parce que la fin, la finalité de l'utopisation, c'est de vivre réellement ce qu'on imagine, ce non, qu'on veut. Non. Lorsque tu auras fini, lorsque tu utopises, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que progressivement, tu vas cesser d'utopiser parce que ton corps astral va être totalement nourri d'une énergie nouvelle, d'une énergie qui provient de l'intelligence, qui aurait été façonnée non pas par l'expérience planétaire, mais par la descente d'intelligence ajustée par un ajusteur de pensée personnalisé et expérimenté. Et lorsque, lorsque progressivement l'utopisation va commencer à s'estomper, c'est parce que tu seras un être nouveau. Alors, le but de l'utopisation ne doit pas être. Si le but de l'utopisation est de, c'est que tu n'utopises pas, tu nourris astralement, tu imagines, tu tripes, tu voyages astralement. Alors que celui qui utopise écoute une musique pour se relaxer, alors il se couche, puis il utopise pour nourrir son corps astral. Puis quand il a fini d'utopiser, il ne se réveille pas en disant « Eh, bordel, que ça va-tu mal dehors? » Parce que là, il vit une différence de potentiel entre ce qu'il a utopisé et la réalité planétaire. Celui qui utopise, là, lorsqu'il a fini d'utopiser, il ouvre les yeux, puis c'est un extraterrestre, c'est un être qui vient d'un autre monde, qui est présentement en visite ici, puis il n'a pas à juger le Pérou. Il n'y a pas à juger le Guatemala. Il se rend bien compte qu'il est au Moyen-Âge, dans des sociétés sous-développées. Il ne les juge pas. Même il est en vacances gratuites. Il va bien. Et progressivement, il va être lui, il va finir par retrouver toutes les trames qui vont l'amener à s'en aller chez lui. Ce qui fait le rôle de l'humain. Rencontrer, à un moment donné, une mécanique extraterrestre, c'est-à-dire extraterrestre extratemporelle, qui va venir simplement te chercher en te serrant ta main. Avec ça, avec ta main. Tu peux pas essayer l'ego. Tu vas t'écraser la main, tu sais. Te ramener. C'est ce que j'ai failli dire. Il a assez peur d'être sauvé par lui. La majorité des personnes, c'est ça qu'elles souffrent. Elles ont peur de se rencontrer puis de devoir se suivre. Parce que, comme elles se connaissent présentement, ils font pas confiance. Hein? Elles savent très bien que si elles se rencontrent, elles pensent, elles se trompent. Mais elles sont sûres que si elles se rencontrent, toi, si tu te rencontres, ton égo, il est sûr que si tu te rencontres, il va te baver, l'autre. Il va t'écœurer. Il va te prouver que t'es pas grand-chose. Il va t'expliquer plein d'affaires. Fait que tu n'as pas te faire sauver toi-même. Mais toi, quand tu vas revenir te chercher, là, c'est vraiment plus bien différent. L'avenir, ton avenir n'existe que si ton présent est capable de supporter ton avenir. Mais encore là, il n'y a rien à faire pour ça. Oui, il y a tout à faire pour ça. Au niveau du plan mental, au niveau du plan mental. C'est pas que j'ai pas compris, je pose une question. C'est comme si je vais m'essayer. Ça veut dire... je te mets en garde. Ça veut dire que... Est-ce qu'il y a une possibilité de libre arbitre? Mais c'est pas... Je sais que ce ne soit pas l'ego. Tu me donnes 5 piastres, moi, c'est où? Est-ce qu'il y a une possibilité de libre arbitre? Mais d'un point de vue mental ou supramental, mais qui... Ah, là, ressemble une... 20 piastres. Qui ressemble à une décision, là, mais c'est parce que... Non, oublie ça. Je continue. T'as pas 20 piastres? Non. C'est pour ça qu'il faut que j'oublie? Ben non. Y a-tu moyen que même s'il n'y a pas de débarbite, c'est qu'on soit totalement fusionné, qu'on puisse quand même être dans un contexte là où ce qu'on va pouvoir croire, jouer qu'on est les barbites? Ça ressemble bien gros à ça, mais c'est pas ça. Y a-tu moyen, au moins, y a-tu moyen que le cuisinier qui t'amène un spaghetti qui te dise « Monsieur Lacerte, c'est votre recette, ça fait pas mal bonne. » Y a-tu moyen, au moins, qu'on puisse quelque part dans la subtilité avoir l'impression que c'est à cause de nous autres que ça va bien? Tu serais smart. Ça n'arrive pas à le dire, c'est... C'est ça. Ben, dans le contexte illusoire de l'être qui crée une ascension, qui vit une ascension, oui. On pourra lui dire qu'il est beau, qu'il est fin, puis c'est grâce à lui si tout va bien. Mais si on parle, disons sérieusement, de l'être nouveau, non, ça sert à rien. Oui, mais moi, je me dis... L'être nouveau, le cuisinier, il vient, il te fournit des spaghettis. Tu manges des spaghettis, toi, là. Puis tu t'en vas. C'est super bon, ce spaghetti. Tu le dis pas au cuisinier, tu le dis à personne. Puis le cuisinier, lui, il sait qu'il est bon, son spaghetti. Il n'a pas besoin de savoir si ton palais est capable de savoir si son spaghetti est bon. Mm-hmm. Lui, il sait qu'il est bon, son spaghetti. Fait qu'il n'a pas besoin de savoir Il n'y a pas besoin que tu viennes nous dire, écoute, le chef, t'es bon en tabarnouche. Il n'y a même pas besoin. Il va dire, je sais qu'il est bon. C'est toi qui l'as préparé. Non, c'est lui qui le fait. Je sais qu'il est bon. C'est évident qu'il est bon. Il n'y a pas besoin de savoir. L'être ancien, lui, il ne peut pas comprendre ça. Le cuisinier, lui, va avoir besoin qu'on lui dise que c'est bon, même s'il sait que c'est bon. Il va surtout avoir besoin qu'on lui dise pas que c'est mauvais. Puis la personne qui se fait servir, il faut qu'on l'instruise qu'elle est correcte, qu'elle est servable. Alors que dans un monde où tu parles d'être nouveau, tout ça, qu'on peut s'en va. J'explique souvent, par exemple, à un moment donné, j'étais avec un de mes neveux, puis on s'en va manger au restaurant, puis il y a une personne qui vient, puis qui dit bonjour, comment allez-vous? Puis il y avait 12 ans, puis c'était un teflon. Puis il disait à l'autre, pas de tes affaires, comment qu'on va? Et puis, c'était vrai, c'est sûr. Puis là, il a fallu, je l'explique à un moment donné, que les adultes ont besoin d'un protocole pour ouvrir la communication, parce qu'ils sont tellement faux les uns par rapport aux autres qu'ils peuvent pas arriver à casser la glace. Il faut qu'ils cassent la glace. Ils mettent une... C'est lui, il dit, pourquoi il se met de la glace? D'abord, il faut qu'il casse la glace. Ça fait partie du principe de l'ego. Alors, l'humain, il pourrait dire simplement, la serveuse, elle peut venir, elle dire bonjour, n'est-ce pas que nos tapis verts foisonnent de mauve rose et que lorsque la pluie tombe, la lampe s'allume? Puis là, moi, je réponds, effectivement, chaque fois que c'est noir, on voit clair. Parce qu'elle dit, oui, bon, que voulez-vous pour dîner? Tu sais, c'est un protocole d'ouverture de communication. On peut se dire n'importe quel saloperie, c'est pour ouvrir la communication. Quand on dit bonjour, comment ça va, c'est parce que l'autre aime ça, penser que la serveuse s'inquiète pour sa santé. T'sais, on aime-tu ça, penser que l'autre s'inquiète de nous autres? Puis si là, tu commences à te compter tes problèmes, là, elle va se pousser en beau maudit, elle va trouver que t'es un maudit têteux, puis il sait pas vivre, puis elle veut pas savoir comment tu vas. Mais on aime donc ça, se faire croire que l'autre s'intéresse à nous autres. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ah, ça va bien, merci. Puis bon, on s'en balance, on se rappelle comment l'autre va. Bon, ça fait partie de l'illusion encore de la mécanique. Toute la mécanique de l'être ancien est illusoire. Pour arriver, pour qu'un humain devienne ait l'attitude, soit un homme nouveau, il y a des actions, c'est parce que je me dis, il y a des actions à poser, il faut bouger. Oui. Mais s'il n'y a pas de libre-arbitre, bon, ben là, je vais m'arrêter, je vais m'en aller tout de suite. Puis là. C'est une action? Non, mais t'es pas correct. Pendant la deuxième partie, on va revenir sur ce que c'est que l'action dans un contexte d'être nouveau. OK? C'est important. On va revenir là-dessus. Pour l'instant, je ne vais pas embarquer parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps. Combien de temps qu'on a encore, là? Pas grand-chose. Plus de temps du tout. On revient sur la même question lors de la deuxième partie. On fait une pause. Bon, on réplique.